quand on s'assoit sur les bancs d'école, tout le monde veut réussir. La majorité, en tout cas, veulent réussir côté académique. On parle de choses que font les étudiants qui ont du succès avec Rick Mielou du Centre de recherche d'emploi. Salut, Rick. Bonjour, Jean-Philippe. T'aurais dû venir me parler de ça quand j'allais à l'école. J'aurais besoin de ces conseils-là, moi. Pourquoi t'étais pas là? Dommage que dans ce temps-là, on faisait pas de chronique d'emploi, justement. Mais effectivement, j'aurais bien aimé que tu profites de cette information, surtout avec la conversation qu'on a eue avant de passer en onde. Ouais, mais on pourra revenir là-dessus tantôt. Tu as mis pour nous 10 choses oui. que les gens font qui ont du succès Exactement. Quand ils sont à l'école. Mais ça peut être pour monsieur, madame, tout le monde monsieur, aussi, madame, là, tout le monde. Pas seulement les étudiants. Exactement. On parle d'étudiants parce que les étudiants sont effectivement la relève. Ils sont les prochaines personnes qui vont rejoindre le marché du travail. Mais évidemment, ce sont des choses qu'ils développent déjà dans le banc de l'école qu'ils vont pouvoir garder comme habitude. Donc, ça prend du temps pour bâtir des habitudes. Et évidemment, s'ils ont ces habitudes-là à l'école, logiquement, ils devraient poursuivre avec ces mêmes habitudes sur le marché du travail. C'est comme un peu nous autres quand on se lève à tous les matins puis on exact. Se fait notre café. Ça devient une routine. Donc, ouais. c'est plus quelque chose qu'on est obligé d'apprendre quelque part. Ça devient ancré au-dedans de nous. Ça devient une habitude. Donc, c'est ça là. Donc oui, c'est 10 choses que font les étudiants qui réussissent. Comment définir la réussite? Évidemment, ça c'est une question qu'on peut se poser. La réussite, ça peut avoir différentes manifestations pour différentes personnes. Pour certaines personnes, c'est avoir des A+, être élu président un jour, ou avoir la job de rêve, avoir la voiture de rêve, ou peu importe. Chacun peut avoir le succès, peut avoir la définition de la réussite à sa manière. Mais donc, on veut tout simplement rassembler tout ça et en parler aujourd'hui. J'ai pas encore réussi, moi, mon succès. Ah, ok. Je pense qu'il n'arrivera pas non plus. Peut-être pas. Si tu prends les 10 choses qu'on va partager aujourd'hui, peut-être que ça pourrait okay. te rapprocher. Mais si je pense être un jour peut-être prendre la place de Carey Price, je pense que ça n'arrivera pas. Ça va rester dans mes rêves. Yes. Il est plus fou. Exactement. Tu pourrais prendre sa place dans les ligues... Les ligues de bière. Exactement. On a à avoir un objectif à court et à long exactement. Terme. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est avoir des objectifs à court et à long terme. Pourquoi? Parce qu'il est important. Il est très important d'avoir des objectifs à long terme et aussi à court terme. Donc, c'est une aptitude qui se développe avec le temps. C'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes le 8 novembre, on se rapproche de la fin de l'année. Beaucoup de personnes, à chaque année, ils ont des objectifs. Ils se disent, bon, ben, je veux, admettons, perdre du poids, avoir une meilleure santé. Donc, voici pour avoir une meilleure santé, voici ce que je veux faire. Donc, je vais aller au gym et tout ce qui va avec. Ils se mettent des objectifs. Mais ce qui est drôle, c'est que des fois, il y en a qui abandonnent très vite, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il faut que je te dise, si on prend l'exemple des gyms, oui. le 1er janvier, tout le monde veut perdre du poids, arrêter de fumer. Exactement. Là, ils s'inscrivent tous là, puis après ça, rendu au 1er février, il n'y a plus personne. C'est les mêmes. Exact. C'est les habitués de la place qui sont là. Exactement. Les Pourquoi? Gens ont de la misère à changer leur habitude, à prendre des bonnes habitudes dans ce temps-là. Exact. Alors, ça prend des fois un petit coup de pied dans le derrière. Oui, ça prend ça, effectivement. Mais une des raisons pour laquelle, des fois, les gens ne sont pas capables d'atteindre leurs objectifs, c'est parce qu'on se met des fois des objectifs irréalistes. On se dit, on n'est jamais allé au gym, on n'a jamais fait quelque chose et on va dire, bon, on va commencer à le faire 5 fois par jour. C'est un peu irréaliste. Hein. Il faut commencer étape après étape. C'est aussi un niaiseux qu'un exemple dire que, bon, OK, j'ai 100 pages à lire d'ici 6 mois. Ben, OK, je vais départager 100 pages en 6 mois et puis commencer à lire 2 pages par jour, par exemple, au lieu de décider de dire, hey, je veux lire les 100 pages en 2 jours. Là. Dans 6 mois, on pourra peut-être en lire 100 par jour. Ben, c'est ça. T'sais, on peut décider que, OK, je vais commencer à en lire petit à petit pour pouvoir atteindre l'objectif à long terme. Donc, divisez votre objectif à long terme, coupez-le pour que ça devienne aussi un objectif à court terme et accomplissez une étape après une autre. C'est comme un entraînement, on y va étape par étape. Étape après étape, exactement. Donc, vous êtes sur le marché du travail parce que ça vous concerne aussi, ou vous n'êtes pas encore sur le marché du travail, vous êtes étudiant, mettez-vous des objectifs réalistes, vraiment des choses qui peuvent être réalisables très, très, très facilement. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La gestion du temps, si je prends ma blonde, moi, là, quand on sort et qu'elle prend 3 heures pour se maquiller, puis on devait être là à 5 heures, il est rendu 6 heures, puis elle n'a pas fini de s'arranger, ça va pas bien. La gestion du temps n'est pas là, là. Ça, c'est, ça pourrait être une discussion à avoir aussi un de ces jours, évidemment, parce que dans le moins une minute, ça, qui devient 1 heure, qui devient 3 heures, évidemment, c'est pas forcément de ça qu'on parle. Il faut maîtriser la gestion de temps. C'est dans le but de vous mettre au défi, de vous développer du point de vue autant sur votre performance, admettons, parce que ça va arriver que vous allez être sur le marché du travail, vous allez avoir plusieurs projets à faire, ben, il faut savoir consacrer, faut savoir gérer le temps, dans quel temps je vais consacrer sur ce projet, quel temps je vais consacrer sur ce projet. C'est exactement ce qu'on fait quand on est sur le banc de l'école, parce qu'on a plusieurs cours et des fois, je me rappelle quand j'étais au cégep, admettons, il y avait chaque début de cours, quand les cours commençaient, ils nous disaient qu'on avait, admettons, 5 heures de théorie et il fallait s'attendre à 3 heures de pratique. Ce n'est pas forcément tout le monde qui mettait 3 heures de pratique, mais peut-être qu'il y en avait qui en avaient besoin de 5 heures de pratique, qu'il y en avait qui avaient besoin de 1 heure de pratique, ça dépendait. Donc, ça challengeait un peu, exactement. Un petit peu de pression. Exactement. Sinon, on peut prendre le temps qu'on veut et ça finit plus à ce moment-là. C'est ça le but. Le but, c'est vraiment de se mettre au défi. Donc, quand vous gérez bien votre temps, vous êtes capable, évidemment, de pouvoir vous concentrer sur plusieurs choses et être capable d'avancer, de continuer à se développer d'une certaine manière. Au cégep, quand les gens ou les jeunes disent « Moi, je vais faire mon cégep vite, là. Oui. Je vais prendre plein de cours, là, puis ça va aller super bien. » Des fois, on se casse la gueule assez vite. On se casse la gueule très vite. La troisième chose, il faut choisir un nombre de cours balancé. Ne prenez pas, admettons, 20 cours là, alors que vous êtes que capable d'en faire 6. Donc, évidemment, c'est difficile à savoir combien... On peut pas dire c'est quoi le nombre de cours à avoir, évidemment, mais ce qui est conseillé, c'est de prendre un nombre de cours balancés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi une vie à la fin de ça. Donc, c'est très important de balancer le nombre de cours qu'on a. Ça revient un peu au point 2 avec la gestion du temps. Ça revient là-dedans. Balancer ses cours, parce que aussi, quand on va à l'école, il faut travailler. Exactement. Papa, maman ne payent pas toujours tout. Ce n'est pas tout le monde qui sont chanceux comme ça. Exactement. Là. Donc, des fois, il faut aller avoir un travail à temps partiel. Donc, évidemment, si on a trop de cours, ben, on va se... qu'il faut qu'on travaille, donc on n'aura pas le temps d'avancer sur nos devoirs et tout. Et surtout ceux qui suivent des cours qui sont très difficiles, si vous prenez vos 5 cours difficiles tout d'un coup, ça vient d'augmenter au fait la difficulté que vous allez avoir. Donc ça serait peut-être mieux de prendre 2 cours difficiles et 3 cours faciles. Ne prenez pas tout ce qui est facile dans tous les cas. Là. Trouvez une manière de balancer. Il y a peut-être des chances de finir en boule dans un coin pleurant. Là. Non, exactement, c'est ça. Là. Échouer ses cours et puis c'est vraiment pas le fun. Et aussi, il ne faut pas toujours être un rat de bibliothèque comme on appelle, faut un peu avoir une vie, faire des activités en dehors de l'école, classes. Exact, c'est très important. Il faut être actif. Ça, c'est le 4e point. Soyez actif à l'extérieur des salles de classe. Il est très important parce qu'on a déjà partagé ça dans des chroniques passées. Et, pourquoi il est important de s'engager, admettons, dans des activités à l'extérieur de la classe, dans des causes qui touchent la communauté. Il faut s'évader un petit peu. Exactement. Et soyez informé sur les problèmes qu'il y a dans la communauté. Des fois, nos jeunes vont dans des écoles qui sont à l'extérieur de la communauté et tout, donc ils se retrouvent dans des endroits là où ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui se passe et tout ça, mais c'est important de sortir et de découvrir qu'est-ce qu'il y a là. Il faut dire aussi que faire du sport, c'est bon pour la concentration aussi, peut-être s'évader l'esprit. Exactement. Et quand on rentre à l'école, il y a des études qui disent quand on fait du sport et on entre à l'école après, on dirait qu'on a une meilleure concentration encore. Alors, c'est un mal pour un bien. Là. Exactement, c'est ça. Je veux dire, beaucoup de personnes utilisent le sport comme manière de détente. Évidemment, il y a plusieurs autres manières, c'est indéfini. Là. Il y en a tellement beaucoup. Là, c'est illimité, je veux dire. Donc, il y a plein de manières pour vous d'être tout simplement engagé. Ne vous concentrez pas juste à l'école. Sortez de la salle de classe. Allez-vous changer les idées à l'extérieur. Ça peut vous aider. Là. Donc, ça, c'est une des choses. La 5e chose, c'est de participer en classe. Participez, soyez présent dans la salle de classe. Quand le professeur emmène un sujet, participez. Parce que ça vous permet de développer une habitude déjà quand vous allez être sur le marché du travail, quand il va y avoir des rencontres de travail ou quoi que ce soit, vous pouvez donner votre idée, vous pouvez donner vos opinions. Ça vous permet de vous pratiquer. Donc, à force de pratiquer, on commence à maîtriser la chose. Moi, j'étais le gars qui restait dans le fond de la classe, là, qui ne levait jamais la main, qui ne disait jamais un mot. Puis aujourd'hui, suis, j'ai aucun problème à dire ce que je pense. Je suis convaincu que entre ce gars qui était il y a de cela quelques années et aujourd'hui, il y a eu une sorte de transition totale. Il y a eu les choses qui ont permis que tu puisses commencer à ressortir un peu et à dire d'une certaine manière ce que tu penses. Ah oui, il y a eu un travail qui a été fait, un peu comme tout le monde. Exactement. On vient qu'on change avec le temps. On change avec le temps, c'est vrai, effectivement. Ça ne veut pas dire que l'étudiant qui ne participe pas en classe ne va pas donner son opinion un jour dans une rencontre d'équipe, mais le plus tôt qu'on commence, le mieux c'est. C'est quand même. Il y a des gens qui sont réservés, qui sont timides, qui ont de la misère avec ça. Oui, exactement. Notre sixième point, très important, prenez soin de vous. Ah oui, moi j'aime ça. J'aime ça, ce point. Aller au spa. C'est ça. Relaxer devant un film. Tu le dis bien. Trouver quelque chose. Je suis très bien, moi, pour m'élonger sur la plage et penser à rien. Exact. Très bien. Moi, quand je pense à rien, là... Mm-hmm. Je me rappelle quand je regardais ta page Facebook, justement, qu'il y a eu plusieurs fois pendant l'été que tu prenais des photos de tes promenades au bord de l'eau. Ouais. Ou coucher de soleil ou quoi que ce soit et tout ça. Hein, je te suivais. Hein? Ah oui. Ben, quoi, mon petit coquin, tu ne me l'as pas dit, ça. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est important de prendre des marches. C'est important de penser à nous. C'est important parce qu'on peut vouloir s'engager dans plusieurs choses et à gauche, à droite, mais si on ne pense pas à nous, on n'aura pas l'énergie ni la capacité de s'engager dans ces activités. Souvent dans notre société, il faut penser aux autres et des fois on s'oublie. Il faut être un petit peu égoïste. Exactement. Des fois, il faut penser à nous et prenez le risque de vous concentrer sur vous. Là. Un autre point. Il faut trouver nos passions aussi. Oui, là. Trouver c'est pas nos juste passions. S'aérer l'esprit par-ci par-là. Non, c'est ça exactement. Il faut trouver nos passions parce que ça, c'est une des choses qui va nous motiver. Il n'y a personne, en fait, à moins que ça existe, mais c'est rare de toffer, si je peux me permettre l'expression, de rester longtemps dans quelque chose. De durer. Si c'est pas... là. Exact. C'est très rare de rester longtemps dans ça si ça ne nous passionne pas. Il faut que la chose nous passionne pour que nous soyons toujours positifs. Il y en a qui vont rester dans quelque chose qui ne les passionne pas forcément. Et c'est la majorité des cas, ça va être des gens qui vont être négatifs. Si vous regardez des on gens... On est là pour la paye, c'est tout. Pour c'est ça, la sécurité de l'emploi, whatever, les raisons qu'ils c'est ont long, pour rester. C'est long, on se rend jusqu'à la retraite à ce moment-là. Ça devient très long. Ils comptent leurs jours, là. Tu sais, je veux dire, ils comptent l'heure, là. Ils arrivent à 9h pile et ils quittent à 4h30 là, au travail. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment du monde qui calcule leur temps là, comme il faut. Là. C'est pas forcément ce genre de personnes que les employeurs veulent avoir avec eux. Donc, trouvez vos patients. Moi, j'ai un de mes amis qui est mécanicien. Mm-hmm. Lui, il est vraiment très passionné. Okay. Et il a fait... il est allé même jusqu'à l'université de Toyota. Wow. Et, il a mon âge, à peu près 36. C'est le meilleur garagiste du garage Toyota où c'est qui est. Okay. Il est rapide. Il aime ce qu'il fait. Exactement. C'est naturel. Il n'a pas besoin de se prouver à qui que ce soit. Il n'a pas besoin de l'approbation de qui que ce soit. C'est naturel. Ça vient de lui. Il a une passion dedans de lui. Donc, automatiquement, il accélère. Une autre chose qu'on peut partager, c'est apprenez à dire non. Apprenez à dire non. C'est vrai que vous aimeriez vous engager dans plusieurs activités. Comme jeune, vous pouvez, c'est facile, vous avez l'énergie et tout ce qui va avec. Mais il faut apprendre à dire non. Apprenez à ne pas vous submerger par trop de choses autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère. On veut faire plaisir à tout le monde. On dit oui. Puis là, exact. On est submergé à gauche, à droite. Exact. Exactement. Faut, ben, même moi, là, ça, t'sais, j'étais comme ça aussi. Il y a des auditeurs qui sont comme ça. Oui. Un jour, il faut apprendre à mettre un stop. Apprenez à mettre un stop. Je veux dire, si vous êtes supposé vous concentrer sur vos études et que vous êtes invité à faire autre chose, oubliez ça totalement. À cause du temps, je vais accélérer sur les deux derniers points. Oui, dernier point. OK. Ouais. Dans la première, le neuvième point, c'est développer votre leadership. Évidemment, vous aurez cette occasion. Trouver des opportunités de vous développer. Mais une des choses qui Mais est très importante... Mais c'est pas facile des fois. Oui. Hey, pour devenir leader, ça prend un peu de drive. Puis il y en a qui l'ont pas. ça prend des chefs puis des indiens. Exactement. C'est à cause de ça que quand on parle de la passion, si vous êtes engagé dans des choses qui vous passionnent, malgré lorsque vous commencez, un jour, vous allez développer une aptitude à vouloir même diriger ou aider les autres. Et donc, c'est de ça qu'on parle d'une certaine manière comme leadership. On ne parle pas forcément de position de leadership. Mon dernier point qui est très, très, très important, c'est de bâtir et utiliser un réseau de support. Soyez toujours entouré par des personnes qui peuvent vous aider. Soyez toujours entouré par des personnes qui peuvent vous soutenir. tenir d'une manière assez extraordinaire. Sur le banc de l'école, bâtissez vos relations avec vos amis, avec vos professeurs, parce que ça aussi, ça va vous aider sur le marché du travail, d'avoir un réseau qui va toujours fonctionner. Que là où on est perdu, ben, le réseau est là pour nous aider. Même si vous n'allez jamais utiliser ce réseau, mais au moins le réseau, il est là, il est disponible pour vous aider. Rick Mialou du Centre de recherche dans le pot de Penetang. On peut vous rejoindre à laclé.ca, 549-5227 ou aux deux rues Pointe à Penetang. Je suis là. Rick, je te remercie. Merci à toi. Toujours intéressant. Merci.